Venir maintenant une doublette de nouveautés, une doublette de jeunes formations. On a tout d'abord E, un groupe qui nous vient de région parisienne, hein, une doublette de formation francilienne d'ailleurs. Un trio parisien qui nous fait du screamo post-hardcore, actif depuis quelques années seulement, et qui vient déjà de sortir son deuxième effort studio. Ça fait pas forcément partie de notre zone de confort en termes de choix musical à diffuser. Et bah malgré tout, ça s'intègre vachement bien à la playlist. On est sur une recette à la fois viscérale et mélancolique, à noter notamment à proximité d'un Burns in Raw avec des textes en français. En doublette avec eux, nous aurons Cohésion, pareil, une toute nouvelle formation hardcore metal qui nous vient de région parisienne. Ils balancent là un premier EP 4 titres. À noter au passage que la personne derrière le mix n'est autre que le bassiste de Sorcerer, et que pour sa première date, le groupe Cohésion aura l'occasion d'ouvrir la date parisienne des très très bons Zoulou et Speed. Voilà pour présenter un petit peu le level des deux groupes. Eux, on s'écoutera le morceau Dans ce miroir, extrait de l'album Morsan, Cohésion, Backs Bent, extrait de l'EP A Hill to Die. C'est parti! We'll be right back. continue cette fois tout en violence dans l'aspect française avec Athanatéos, excellente nouvelle formation, enfin, une bonne dizaine d'années maintenant, pardon. Excellent groupe de death metal qui nous vient de Nantes, qui sort leur son troisième effort studio. On est sur un death d'inspiration Immolation Nile, avec même quelques petites influences Black et Doom, voilà, ce qui renvoie à quelque chose de plutôt grandiose et puissant musicalement. Et ensuite nous aurons les Troyens de Hate Surges, la nouvelle formation hardcore, metal hardcore, créée sur les cendres de Upper Cult. Un premier EP, 4 titres, et puis ouais, ça fait très très bien le job. Dans les titres qu'on s'écoute tout de suite, Athanatéos, le titre To Deny, extra album Cross Deny, et j'ai une connerie, c'est pas grave. Head Surges ensuite, False Image, Hard Truth, extrait de l'EP, Swear Your Demise, c'est parti. Wait, our visibility, so many religions, so many peoples, so many gods and goddesses. We are made alone, only we are blind, all the children totally raised, all of the buildings, it's under attack, for so many years now. The message is only, but the message is not. The Jews carried on the policy of his former Christian medias. Is rolling everywhere in the empire. The perception down, death, penalty for the superb. Not the deep against sacrifices and worshipping of idols. Many of the pagan temples, tombs and monuments are being vandalized to the desecrated, destroyed the Christians. Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! St Retour à la diff internationale avec une autre nouveauté, encore une formation californienne, donc encore une formation ricaine, Dawn of Ouroboros. Ça nous vient donc de Californie, le groupe est actif depuis 5 ans et vient déjà de sortir son deuxième effort studio chez Prosthetic Records. On est sur du bon gros post-black, black prog. On est loin du coup du black ultra frontal qu'on a pu s'écouter en début d'émission par Outlaw. C'est porté par une chanteuse qui a un timbre vocal plutôt agressif et criard, mais qui place aussi pas mal de lignes clean. On a quelques éléments mélodiques et même rehaussés par des claviers. Donc musicalement, on peut rapprocher ça d'un Neoblivis en plus black metal. Et en doublette avec les Californiens, on s'écoutera Anthem, une des plus vieilles formations heavy qui nous vient du Japon, à peu près la même époque que Loudness, hein, formé en 1981. Et ils sortent là leur 19e effort studio. On est limite sur un heavy power, hein, à la sauce vraiment 80-90. C'est assez tubesque et le chanteur il arrache toujours bien comme il faut. Présentation des titres tout de suite, Dawn of Ouroboros, le titre Cephalopodic Void, extrait de l'album Velvet Incandescence. Anthem, ensuite Master of Disaster, extrait de l'album Crimson and Jet Black. C'est parti. As the swirling cosmic gates arose, unleash your fate on the unknown, concluding the round of humankind. With the light comes the end of time. Jet black void, burn the dust, push on, moving to self-worth, with the On approche tranquillou de la fin de l'émission Hellbanger de ce soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Et pour chacune des trois doublettes qui nous restent à s'écouter, il y aura une nouveauté. Tout d'abord, et c'est pas une nouveauté, pour ouvrir la nouvelle doublette, nous aurons Pestifer, très bon groupe de tech death qui nous vient de Belgique, originaire de Liège plus précisément. Un nouvel EP vient de sortir sur le label français Debemio Morti Productions, toujours des sorties sur le label français, hein, puisque les précédents avaient vu le jour chez Xenocorp. Un EP, donc 5 titres pour 25 minutes, Tech Death à l'ancienne, hein, qui n'est pas sans rappeler du vieux Pestilence, voilà, plutôt agressif dans l'ensemble. Predatory Void, ensuite, on est sur une autre formation belge. Au niveau du line-up, on a deux membres de Amenra, qui sont actuellement dans le groupe. On a un ancien guitariste qui a joué sur les premiers albums d'Aborted, et on a l'actuel batteur de Carnation, petit All-Star Ben, donc de très très bonne formation venue de Belgique. C'est une femme qui tient le micro, et le premier album vient de sortir chez Century Media, excusez du peu. On est donc sur une espèce de black rampant violent, avec des passages beaucoup plus frontaux et agressifs. Voilà, un espèce vraiment de crossover à la sauce Amenra, et au passage, un des membres de Predatory Void a été l'un des fondateurs de Oathbreaker, voilà, pour vous donner vraiment l'idée globale, hein, post-hardcore, post-black, un peu doom, un peu sludge, et c'est bien crado, bien violent. Présentation musicale tout de suite, Pestifer, le titre Defeat of the Nemesis, extrait de l'EP du même nom, Predatory Void ensuite, Grovel, extrait de l'album Seven Keys to the Discomfort of Being. C'est parti. Oh, Doublette suivante qu'on ouvre tout d'abord avec une formation italienne qu'on a déjà diffusée, Blaze of Sorrow. On est sur du black atmosphéro mélodique qui nous vient donc d'Italie, actif depuis une quinzaine d'années. Ils viennent là de sortir leur 7e effort studio. On est sur un black assez aventureux et très éloquent, voilà, avec quelques éléments folk. On peut tendre vers un black à la sauce Saor, hein, ou même la scène américaine Cascadian, ça fait longtemps qu'on n'avait pas évoqué ça, un petit peu à Galog, Wolf in the Throne Room, pour les plus gros noms. Les textes sont en italien, ce qui permet une identité, une personnalité bien marquée, et voilà, ça rend plutôt bien sur les parties aussi bien violentes que mélodiques. Et ensuite, 100% violence, zéro mélodie, le gore grind des Hollandais de Imena Locust, actif depuis bientôt 20 ans. Ils sont de retour avec un nouvel effort studio, le premier en presque 10 ans. C'est le 6e album, une sortie qui voit le jour chez Rotten Relax, qui avait rien sorti depuis un petit moment. Très type pour une presque quarantaine de minutes dans la plupart des traditions. C'est sale, c'est violent, c'est groovy, ça bave parfaitement comme on aime. Blaze of Sorrow, Nel Vento, extrait de l'album Vultus Feiti, Imena Locust ensuite, Death King, extrait de l'album du même nom. C'est parti. Thank you. Et c'est donc l'heure de se quitter avec une toute dernière doublette pour aujourd'hui. Tout d'abord, Ayour, on est sur du Black originaire de Tunisie. À noter que c'est Monsieur Chakzoul qui s'est occupé des parties de batterie. Voilà, bien sûr, Chakzoul de Manzer. Voilà, après plusieurs EP, c'est le premier album longue durée pour la formation tunisienne. Un Black plutôt atmosphérique et mystique, hein, avec des ambiances Dark Ambient, Black Need Doom, ce qui pour un rendu assez malsain. Et en clôture d'émission de ce soir, Fatuous Rump, l'excellent groupe de slamming Brutal Death Grind qui nous vient de Taïwan, actif depuis seulement 2007 et qui sort déjà son cinquième LFO studio, hyper prolifique, hein, toujours emmené par le délirant et terriblement talentueux Larry Wang derrière le micro. La recette évolue zéro, c'est violent, c'est groovy, c'est sale, c'est débile, mais ça reste plutôt bien inspiré et surtout très bien exécuté. Le groupe est revenu au passage chez Brutal Mind, le label qui avait sorti son troisième album en 2019, après un petit passage chez Lacerated Enemy, pour l'album sorti en 2021. Les tours des présentations sont faites, musicalement on va s'écouter Ayour, le titre de High Throne, extra album Prevail, mais évidemment une sortie sur le label de Chakzoul, Armée de la Mort Records. Et en clôture, Fatuous Rump, avec le titre The Earthright Bag in the Freezer, extrait d'album I'm at your disposal. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.